blond qui se refait une beauté, pendant qu'un intello part explorer son nez. Le malin du pays qui coque tous les gyrophares, y'a papy qui radote et qui se met en pétard. Le gros cul à Jojo nous envoie toute sa fumée. Au secours Max, faut pas déconner. Et moi ça fait déjà une heure que je suis bloqué. Qu'est-ce que tu vas dire à Sophie qui boit ton café? C'est la merde, merde, merde, merde, merde sur le péri. C'est la merde, merde, merde, merde, merde sur le péri. Y'a vraiment rien à faire, c'est comme ça tous les soirs. On roule à deux à l'heure quand même, y'a pas de brouillard. C'est la merde, merde, merde, merde, merde sur le péri. Y'a ceux qui roulent au super, super beau gelette. Les coincés du klaxon, ceux qui gueulent sans arrêt. Les branches et magazines, les allumés de la sono. Et le touriste japonais qui donne dans la photo. Le baba coulant de doge qui saoule un petit joint. Peace and love, pour lui tout va bien. Et moi ça fait déjà 12 heures que je suis bloqué. Qu'est-ce que tu vas dire à Sophie qui poireau ton café? C'est la merde, merde, merde, merde, merde sur le péri. C'est la merde, merde, merde, merde, merde sur le péri. Y'a vraiment rien à faire, c'est comme ça tous les soirs. On roule à deux à l'heure quand même, y'a pas de brouillard. C'est la merde, merde, merde, merde, merde sur le péri. Oh, y'en a marre ce mec, toujours en retard. Si dans 5 minutes il est pas là, je me casse. Je pense à Sophie qui boit au tout café. Pour plus rêver mon pote, ce que Sophie s'est tiré. C'est la merde, merde, merde, merde, merde.